courage. Je suis toujours avec toi. Non, non, non, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Parole sainte, nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, car nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, l'ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, avec un content suivi. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre, pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oui. Que Jésus est si doux, de Dieu nous amant le cours. Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom, j'en ai chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin précis. Nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui se connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis. Nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé. Son nom puissant m'a relevé précis. Le nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai précis le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. 135. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur.

agent à moi. Dive modèle, dive modèle, dive modèle, mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, rends-moi bouillant, Seigneur, Seigneur Jésus, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur, ton service, pour ton service, que je batte en vainqueur. Et quand tu reviendras, Seigneur Jésus, et quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans des milices, tu me retrouveras. 268. 268. Pèlerin sur cette terre. Sur cette terre, je m'avance vers le ciel. Comment vous pensez ça? Moi, je ne connais pas. Moi, également. Alors, tu connais chanter? Non. Le nom de 180. Comme ça fait longtemps. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, mon sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire. Et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut qu'il ait ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, Père Dieu, sa propre vie consentit à n'être rien, n'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 112. Ah, 6. Okay. Bonsoir. Permettez que la scène soit aussi à la page. Je cherche, je connais pas bien le. Oui. On va passer. Il n'y en a pas un autre, comme ça, comme vous, comme ça, je vais faire plus facile. Sois la gloire, passant en amour, dans mon âme noire s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, t'écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez, ô Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Quelle porte convoie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de à l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez, ô Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. 172, le A et le B. 172, A et B. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Yeah.

de mon péché. Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc, blanc. Déjà, je vois la mort. donne un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me la. À Jésus, il me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Or séculaire, 126. Or séculaire. Or séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi, tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Jésus, J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin précis, le nom de Jésus Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Connaît tout mon cœur, lui seul que c'est un cœur précis, le nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus, ô merveilleux don, suprême rançon. Adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précis le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Baissons la tête, prions. Prions, remercions le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Père, merci pour ta grâce, pour ta bienveillance et pour ton regard de paix dans nos vies. Car aujourd'hui encore, tu as veillé sur nos pas jusqu'à ce que nous nous rassemblions pour avoir l'honneur de te louer, de te célébrer malgré les péripéties de la vie. Malgré les tentations, Père de gloire, nous sommes là pour te louer, pour te célébrer maintenant. Tous nos cœurs, ô Dieu de gloire, crient à ta grandeur. Nous exaltons ton nom, Père de gloire, nous élevons ton nom, car seul toi tu es Dieu. C'est toi qui es le Père qui dirige nos troupeaux de ton pâturage. Seigneur, tu es Dieu, ton immensité est immense et immensément immense. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as commandé de nous aimer, Père. Nous aimons, ô Dieu, du plus profond de notre cœur. Oui, Père de gloire, enfouis encore davantage ton amour en nous. Donne-nous de nous aimer les uns les autres et d'aimer, ô Dieu, tout cela donc, même ceux qui n'invoquent pas ton nom. Que ton nom seul soit élevé dans nos bouches, dans nos lèvres, dans nos cœurs, dans nos pensées, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Cherchez ce cantique ici, nous sommes au Seigneur. Vous avez ça? Qui a ça ici dans le champ de l'auto. Nous sommes au Seigneur. C'est moi, c'est moi ici. Ah, mais c'est très bien. Nous sommes au Seigneur.

Vous aimez, frère? Amen. Regarde quelqu'un. Regarde ton voisin. Regarde. Souris, souris, souris, souris. Souris, souris. Souris. Dis, pointe-le comme ça. Dis, finis les divisions. Finis les calomnies. Qui nous éloigne de vers le royaume. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, alléluia. Vous êtes les enfants du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Regarde quelqu'un, regarde, le dit, je t'aime mon frère. Je t'aime mon frère. Je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. Amen. Amen. Arrête la main de quelqu'un. Arrête la main de quelqu'un. C'est deux personnes. En le regardant. D'accord? Dis la Bible. Dit dans Éphésiens 4, les versets 29, 30 et 31, qui aucune amertume, ni d'animosité, des querelles, de méchanceté, ne sont même pas nommés. Regarde-le encore. Encore. Pose-lui cette question que d'où viennent les querelles? D'où viennent les querelles? Nous devons conduire ce royaume. Dans la vie du venant, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit. Et nous rassemble toujours son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit. Et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit. Et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Alléluia. Faites la voix, c'est près, ceux qui viennent arriver, faites la voix. Pointez-la du doigt. Dis-lui, quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, qui nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, sommes toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit. Il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours. Alléluia. Tourne-toi, regarde encore quelqu'un. Dit 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Dit au verset 18. Dit au verset 18. Que Dieu a mis chaque membre. Que Dieu a mis chaque membre. Dans le corps. Dans le corps. Comme il a voulu. Comme il a voulu. Donc toi et moi. Donc toi et moi. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Dis-lui, nous sommes au Seigneur. Et c'est Dieu notre Père. Qui dans son grand amour nous conduit. Aucun s'est sauvé, enfant du même père. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours, oui pour toujours, c'est ce qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis, oh mon frère. Aimons-nous toujours, fini les divisions, fini les calomnies. Qui nous est en soin du Saint-Royaume. Dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis, oh mes frères, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume? Dans la vie nouvelle, vivons en communion, oh mes frères, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis, oh mon frère, aimons-nous toujours. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, et alors si on vit dans l'amour, on est sûr, quand Jésus reviendra, il nous enlèvera pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Alors que tu t'assois, dis seulement à ton frère que souviens-toi de t'aimer. Souviens-toi d'aimer. C'est un commandement. Je crois que vous êtes serré là, frère. Il y a un esprit. Okay, viens ici, mon frère, veut que la femme s'assoie là-bas. Il faut que ça soit trop confortablement. C'est bon là? Tu es à l'aise ici? Oui. Ok, mais vas-y. Là, c'est quand vous reculez là. Oui, c'est même vrai. Oui. Et vous pouvez reculer encore un peu là. C'est ça, non? C'est bon? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Souvenez-vous de vous aimer les uns les autres. Souvenez-vous que les produits dont dénonce la Bible ne viennent pas de vous. Souvenez-vous que s'il y a une querelle, une gangrène qui va s'installer quelque part, souvenez-vous de ne pas être l'objet du scandale. Souvenez-vous que Satan doit agir. Souvenez-vous qu'il doit avoir des mépris, il doit avoir des chutes, mais que ça ne passe pas par vous. Jouez votre rôle. Jouez votre rôle, que ce soit au maximum de votre effort, que ça ne passe pas par vous. D'accord, frère? S'il y a des questions, posez. Je suis à votre service avant qu'on ouvre la parole pour voir ce que le Seigneur peut vouloir que nous voyons aujourd'hui. Je vais faire une question en tant que terminé. Oui, pasteur. J'ai eu une révélation, donc un songe. Oui. Lève-toi, frère, tu parles, je partage. Bon, j'ai le songe. Écoutez d'abord, attends. Oui. Ouvrez la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Et en fait, si ces choses-ci, quand je vous dis par exemple, ouvrez la Bible, je vous dis quelque chose, je peux déposer la Bible, je vous enseigne pendant 400 ans sans ouvrir la Bible. Vous devez savoir, tout ce qu'on va enseigner, ça va aller dans la Bible. Mais je suis obligé de vous donner les références pour que vous soyez au moins, que vous ayez les bases sur cette Bible-là pour savoir que c'est de la Bible qu'on a dû parler. Maintenant, je vous pose la question, vous avez dit quelque chose, remarquez bien, verset 6. Qu'est-ce que ça dit là, mon frère, le verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on que ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Amen. Ça veut dire que subitement, il se met dans notre langage à nous. Il parle, après il passe dans notre langage. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit que de quelle utilité vous serez-ce? Si je viens au milieu de vous, je porte la veste là, mais comme les gens font aujourd'hui, pour qu'on sache que quand on fait ça, waouh, le pasteur là, il est quoi? Sa langue est trop, c'est tranchant, hein, que sa langue est tranchant. Si sa langue est tranchant, c'est que c'est un vrai dragon, pas vrai frère? Alors, regardez très bien, il veut parler, d'ici, il vient vers vous. Je ne vous parle pas par doctrine, par connaissance ou bien par révélation, mais je vous parle plutôt en langue. Ça ne vous sert, c'est d'aucune utilité. Donc, nous devons parler par révélation, par doctrine ou bien par connaissance ou enseigne. Vous voyez? Lève ton nom, donne-nous la révélation. À la veille de la Sainte-Seine, oui. Petit matin, j'ai fait un songe qui me concernait. Nous sommes au nombre de 4 conducteurs. Oui. Vous étiez présent. Le frère Bomda était présent. Le frère Hervé ensuite était présent. Oui. Plus moi, ma question. Oui. Bon, nous sommes rendus dans un lieu comme une campagne. En effet, il y avait 2 sœurs. Le visage, ce sont les sœurs de Marquette. Si le voit, mais le nom, il ne maîtrise pas. Mais il y a le visage plusieurs fois. Bon, il y a une maison là où eux, voulant faire se rapprocher, donc dormir un endroit où il faut se coucher, donc ils faisaient une longue distance. Attends, c'était dans un endroit retiré. Retiré. Ou maintenant, pour que eux aussi n'habitaient pas là. Ils étaient loin. Ils venaient là se reposer pour continuer le chemin, pour raccourcir le chemin. Nous, on était là. Vous étiez en premier, vous étiez en train de ficher en face de la maison en question. Nous sommes arrivés, la soeur a donc passé une nuit là-bas seule. Elle se plaignait donc à nous les frères qui sont venus ouvrir pour entrer, que non. Comment il attendait ma soeur ici là, elle n'est pas donc venue. Pourquoi elle a mis donc comme ça? Pourquoi elle n'est pas donc venue ce matin? Puis il n'y a pas d'annonce, elle est passée la nuit seule, j'étais inquiet. Mais quand vous êtes là, c'est le chien un peu remonté, et je veux plutôt me rendre où j'allais passer un endroit pour raccourcir le chemin. Voilà. Subitement, vous êtes en train de ficher. Moi, je veux me déplacer. Je vous laisse là. Avec d'autres frères, il faut qu'il me déplace pour aller. On a des fichiers, c'est-à-dire qu'on a la machette en train de faire. Tu as la machette, c'est toi seul qui as la machette en train de fichier de l'autre côté, en face de la maison. On est arrivé, tu as gagné la voiture quelque part, tu as des fichiers en face de la maison. Subitement, moi, je veux me déplacer. Je dis au frère que non, j'arrive, il faut que j'aille là-bas. Je ne sais pas où j'allais, mais il fallait qu'il me déplace. Toi, de l'autre côté, constate le danger qui doit m'arriver là. Tu te déplaces, tu laisses les 2 autres frères. Tu te déplaces donc rapidement, parce que s'il y avait un couloir comme une piste, donc, avec le champ, comme au champ il y a toujours les pistes, les couloirs pour passer. Net, tu vois le danger venir à distance et tant là-bas. Tu cours rapidement, me dis attends, je n'avance pas, attends d'abord. Quand je dis attends, justement, quand tu arrives, tu te places comme ceci. Tu m'arrêtes la main, je suis en train de monter, tu m'arrêtes la main comme ça. Tu me dis là, Jules. Il y a un danger que je suis en train de voir là. Si tu te laisses passer, ça c'est très dangereux pour toi. Toi maintenant, tu fais comme ceci pour brouiller l'énergie qui doit arriver sur moi. Tu fais comme ça. On suit, tu fais comme ceci. Ok, donc on était sur l'énergie. Voilà, pour qu'on peut pour brouiller l'énergie pour donc traverser la piste. La piste là. Subitement, net devant, il y a une dame qui sort de nulle part. Elle dit arrête ton frère, il a mal à la, au poumon. Au poumon, il a mal au poumon. On essaie d'où la femme sort. Toi, tu dis, moi le poumon, subitement, quand il nous traverse d'un pas, tu te sens fatigué, comme s'il y a un choc énorme. Tu es fatigué, c'est plutôt moi qui te soutiens, avec le choc que tu as, la fatigue, c'est moi qui te soutiens pour traverser, pour aller à la voiture, démarrer, pour continuer. Subitement, l'enfant qui me réveille, qui me sort du songe, l'enfant crie de l'autre côté, je me relève subitement. Pour aller secourir l'enfant. C'est là où l'enfant gagne du songe. Et pour finir, c'est là où l'enfant a gâté le songe. Mais l'enfant a fait sa part de travail en fait. J'ai donc compris, parce qu'après cela, comme tu dis dans les enseignements, quand tu suivais, après suivi ça ce matin, aujourd'hui, quand vous suivez un songe, prenez le temps d'analyser, que d'aller parler n'importe comment. J'ai compris que le Seigneur a voulu que je prie. Et j'ai mis en prière depuis ce jour, prier pour que le Seigneur puisse vous fortifier davantage par rapport aux travaux, à tout. Les énergies que vous dépensez pour nous soutenir dans toutes les difficultés, de vous mettre toujours, de vous fortifier dans tout ce qu'on fait pour nous. C'est pour ça que j'ai voulu, avec cette antique d'aujourd'hui, aimons-nous les uns, selon tu as amour, jamais revenir encore. Fallait que je partage avec les frères. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Pour ceux qui sont ici, qui savent, vous savez effectivement que depuis une semaine, je suis vraiment abattu, n'est-ce pas? Avec la fatigue, jusqu'à ce que c'est la première fois comme ça là. Mais que Dieu te bénisse. Merci. Ça veut dire que Dieu vous révèle que au moins vous priez pour moi. Il dit souvent, est-ce que vous priez pour moi? Je dis oui. Mais ce qui m'amuse, c'est que l'enfant a gâté le songe. Dis-nous comment l'enfant a gâté le songe. Mon frère, vous savez que quand le père, quand vous avez toujours dit dans votre dans les c'est toi qui avais rêvé un jour que tu avais l'argent, vous voulez t'étendre 200 000 comme ça là. Tu t'es réveillé. Il a encore gâté le songe. Mais en fait, le truc, c'est que l'enfant joue sa part de rôle. Quand nous sommes là, nous sommes au père. Le père est là, nous sommes des enfants. Quand nous crions, il agit direct. Tu sais que quand l'enfant a crié dans la chambre, directement, je me suis relevé, j'ai sursauté pour aller voir ce qui n'allait pas dans la chambre. Quand sa grande soeur s'est tournée, a frappé la main sur la face de l'enfant. Et là où elle a sursauté, crié. Il fallait que j'aille. Donc c'est même la main même de l'autre qui a fait que pour gâter le sang. Quelqu'un s'y a-t-il quelque chose d'autre? Si vous avez des questions, posez. Si on n'a pas de questions, on lit la Bible. On travaille. Donc, gardez-vous aux pensées. Puisqu'on est rentré dans la période du jeûne du Cameroun, priez pour le président de la République. Et souvenez-vous de ce que j'avais dit, j'avais parlé d'une nouvelle. Une nouvelle que quand ça arrive, vous savez que c'est une nouvelle. C'est tout ce que je peux dire maintenant. C'est comme ça qu'il va parler cette fois-ci. Y a-t-il des questions? Mais toi, tu étais où, mon chef? Il n'était pas vu à la fête ici. Tu ne sais pas qu'il y avait la fête? C'est dommage. Dans un an encore, d'accord, frère? Il n'y a pas de problème. Si d'ici un an, il ne vient pas. Mais s'il vient, nous serons toujours ensemble dans un même endroit. Nous crions dans la joie, n'est-ce pas? Des questions? C'est quand même curieux, vu que William n'ait pas de questions. Souvent, on dit des questions. Il ouvre le chapitre 1. Bon, dans ce cas, allons dans la Bible. Alors, si on va déjà dans la Bible, ne posez plus de questions. D'accord? Dans l'une des fois ici, nous avons vu, jugeons-nous nous-mêmes dans la première partie. Qu'est-ce que nous avons dit? Attends, qui était là quand nous voyons, jugeons-nous nous-mêmes? Vous tous, il y a une personne. Il y a seulement deux personnes. Tu réfléchis? Qu'est-ce qu'on a dit ces jours-là, par exemple? On a dit qu'on doit se juger afin que le Père ne nous... afin de ne plus être jugé par le Père. Oui. Donc, renotez ces versets, si on prend, on continue là-bas, selon que le Seigneur va nous diriger maintenant. Dans la vie du monde, les entreprises font ce qu'ils appellent le diagnostic, ou c'est pas comment, le bilan final. Si tu fais le commerce, ou bien tu fais n'importe quoi, tu ne fais pas le bilan, tu n'as pas à savoir si ce que tu as fait est en train de progresser ou en train de dégresser. On fait donc la différence de stock entre ce qui est entré et ce qui est sorti. Après avoir fait le calcul de tous les TVA, les taxes et les dépenses, on voit si on est entré de au moins à ses frais, n'est-ce pas? Et puis on regarde les bénéfices. Ça, c'est ce que le monde fait. Dans le monde, on fait les véhicules, on fait le check-up des véhicules. Chaque fois, vous mettez la voiture à jour pour être sûr que lorsqu'on roule là, on ne fera pas l'accident. Ça, c'est ce qu'on fait dans le monde. Dans le monde, il y a des gens qui font chaque 3 mois ou bien 6 mois, ils font le check-up de leur corps pour voir si le corps va bien, si le rein fonctionne bien, si tous les organes du corps fonctionnent bien. On regarde le rythme cardiaque, les pulses, ainsi de suite. On voit si tout va bien. Mais le chrétien est celui-là seul qui devrait connaître ces principes-ci, mais qui ne les connaît pas. Ou mieux, qui semble les connaître, mais ne veut pas les appliquer, parce qu'en réalité, on n'aime pas, on connaît notre propre vérité. Le check-up est nécessaire, encore plus pour le croyant. Pour que quoi? Pour qu'à la fin, je ne me trompe pas. Vous voyez ça? Donc, je dois faire le check-up pour qu'à la fin, je ne me trompe pas. C'est-à-dire, je dois faire mon bilan personnel. C'est ce que la Bible appelle jugez-en, jugez-vous, vous-même. Notez 2 Corinthiens chapitre 13, que nous avons lu la dernière fois. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Et prenons encore cela. 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 13, le verset 5. De Corinthiens chapitre 13. Vous y avez verset 5. Frère Jacques, tu peux lire verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Oui. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Dieu. Mon frère André, tu as trouvé la page, tu as trouvé. Voilà. Il dit, examinez-vous vous-même. Donc c'est vous-même qui allez faire votre propre diagnostic. Puis il dit encore, éprouvez-vous vous-même. Il dit le pourquoi il faut faire. Il dit le but c'est de savoir si vous êtes quoi dans la foi. C'est-à-dire que si je suis courir la ligne droite comme Dieu a tracé. Et dans cette première partie, nous avons vu, le Saint-Esprit nous a montré qu'en réalité, le standard avec lequel on doit juger, ce n'est pas notre propre standard. Parce que c'est ton propre standard. Remarquez très bien, quand vous fréquentiez, je ne sais pas si vous pratiquez ça dans votre établissement, quand vous faisiez peut-être les dictées ou quoi que ce soit, le maître, pour ne pas donner le travail, il écrit la correction au tableau, il dit toi-même, corrige-toi-même. Tu as le big rouge et le big vert avec lequel tu as écrit. Quand toi tu vois, effectivement, tu soulignes les fautes des. Vous appelez les fautes des. L'orthographe, c'est un. Les fautes des grammaires, c'est moins 2. Quand tu as déjà 6 moins 2, 6 fautes de moins 2, tu commences à regarder à gauche et à droite avec ton big bleu comme ça pour rectifier que non, c'est mal l'accent aigu, c'est mal, il fallait mettre l'accent aigu, seulement eux mieux si. Parce que un mien n'est pas mis quelque part, alors que c'est une grammaire, ça fait moins deux frères. Tu regardes comme ça, tu regardes ton voiture, quand tu prends le big bleu, tu mets l'accent aigu, là tu n'as pas mis l'accent aigu. Après, tu passes ton. Tu t'es corrigé toi-même, mais tu n'es pas à la hauteur de ta correction. Où est-ce là? Voilà. Donc, la vraie correction voudrait que tu sois même plus rigoureux sur toi, plus que le maître. De telle façon que le jour où ça va toucher, que ce sera entre les mains du maître. Parce que si c'est entre les mains du maître, ce que tu as fait là, il ne fera pas pour toi. C'est parce que vous comprenez. C'est à ces rythmes-là. Comme le professeur et le maître donnent, que corrige toi-même ta propre feuille. Tu connais les règles. Quand c'est une faute d'orthographe, c'est moins 1. Quand c'est une faute de grammaire, c'est moins 2. Corrige-toi toi-même, tu vois combien tu as. Après, tu regardes 5 fautes, tu commences à être énervé. Tu t'énerves toi-même, alors que c'est toi qui corrige. Donc, qui a commis les fautes? Donc, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas assimilé le cours d'orthographe ni de grammaire. C'est là la réalité. Parce que demain, si tu vas dans une composition, c'est ce que tu. Voilà ton image. Voilà ton niveau. Suivez, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous jugeons nous-mêmes avec le miroir que Dieu nous a donné, on a dit effectivement que ce n'est pas notre standard. Si Dieu nous dit de nous corriger nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes pour pouvoir nous corriger, pour voir si nous sommes dans la foi, il doit nous devoir donner les bases de cette surveillance. Où est-ce, à partir d'où est-ce qu'on doit se surveiller? C'est la Bible. Vous voyez, il nous a donné la Bible. Parce qu'il a dit que pour être dans la foi, pour savoir si nous sommes dans la foi. Comment savoir si on est dans la foi? Il dit comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Et il répond lui-même en marchant d'après ta parole. Donc, si mon sentier est pur devant Dieu, je vérifie mon sentier, je vérifie la parole de Dieu. Donc, en clair, que veut dire ce juge soi-même? C'est présenter la Bible dans ta propre vie et se poser la question de savoir suis-je oui ou non en train de marcher comme elle veut. Et remarquez très bien que Dieu est exactement comme ce professeur-là. Il n'est pas derrière nous chaque fois pour dire hey, hey, hey, hey. Il nous a donné notre feuille. Chacun a sa Bible entre ses mains. Vous avez votre propre vie. Il dit examinez-vous vous-même. Parce que tôt ou tard, il y aura un examen final. Si vous passez votre temps chaque fois, on fait la dictée comme ça en classe, vous vous mettez moins de. Après, tu dis plus de. Tu corriges. Tu dis oh. Et si c'était, si je voulais dire, je m'étais trompé. Je mets avec T à la fin. Non. Le T là, tu transformes le S. Est-ce que je voulais écrire mon écriture? Mon S est comme T. Mais là-bas en haut, la personne qui a la phonétique et le vrai orthographe sait comment tu avais écrit. N'est-ce pas, frère? Amen. Tout le monde voit que quelqu'un pointe quelqu'un vers le nez. Dis, juge-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Sois rigoureux. Pointueux. Droit. Dur. Ce qui est péché, appelle comme péché. Ce qui est condamné, condamne ça au plus haut point. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais très souvent, non, nous tolérons des péchés dans notre vie. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que non, Dieu va permettre, si ce n'est pas important. Il va comprendre. Mais si je vous commence à vous aligner maintenant dans la Bible, vous allez voir effectivement que il y a des gens qui ont dans la Bible fait seulement une petite chose. Ça a tenu pour leur péché que Dieu a retenu. Prenez l'histoire de Saül seulement. Prenez seulement l'histoire de Saül. Prenez son compatriote David. Regardez tout ce qu'il a fait. Il a couché pour l'autre. On sait montre que l'adultère là est dangereuse. Mais regardez Saül. Dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu dit à Samuel que va dire à Saül que je me souviens quand l'Israël passait vers un peuple, Amalek lui avait barré le chemin. Va maintenant, défou Amalek pas interdit. Homme, femme, enfant, nourrisson, femme qui allait, femme qui est enceinte, tout le bœuf gras, qu'on passe tout au fil de l'épée. Saül passe, il revient et il passe tout le monde à revue. C'est-à-dire qu'il met la troupe au commandement. Ils vont en guerre, ils tuent les femmes enceintes, tuent certaines choses. Il voit un bœuf robuste sur cette femme. Il dit, mettez-le de côté. Vous voyez, il commence dans l'ordre de Dieu à faire ce que lui, il veut. J'arrive dans cette étape-ci. Arriver dans l'œuvre de Dieu, faire ce que moi, je veux. Quand il a fini de faire ça, la Bible déclare que le prophète Samuel était en Rama. Quand il est prostitué, Dieu dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi d'Israël. Car il n'observe point mes paroles. Ça, vous comprenez? Et Saül, lorsque Samuel vient le voir le matin, il dit, oh, sois béni de l'Éternel. C'est pour dire, tu peux marcher dans le péché, les versets de vie ne finissent pas dans ta tête. Tu peux marcher dans le péché, vivre dans le concubinage, dans l'adultère, n'importe quoi. Ça ne fait pas que quand on dit quelque chose, tu ne puisses pas dire Amen. Tu peux faire n'importe quoi, tu mens. Tu vis dans le mensonge, ça ne fait pas de temps 5 que tu ne connais pas que Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qui envoie son fils. Parce que Satan cite la Bible droitement. La Bible déclare, il faut prononcer ce miroir-là devant toi et examiner. Alors il a dit, sois béni de l'Éternel. Samuel a dit que arrête tes états, sois béni de l'Éternel. Les bêlements que j'entends là. Il dit que j'ai obéi à toute la voix. Ah, mais allons-y là-bas. Merci Père. 1 Samuel, je crois que avec ça, ça cadre avec exactement ce que nous sommes en train de faire là maintenant. Que Dieu soit élevé. Amen. Devez lire rapidement et on va aller au niveau de là où ils sont en train de discuter, d'accord? 1 Samuel, rapidement. 1 Samuel au chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. À celle-là, tu as trouvé 1 Samuel jusqu'ici, mon frère. 1 Samuel peut pas être après Jérémie. À moins que tu aies la version catholique ou bien cathodique. 1 Samuel. 1 Samuel le chapitre 15. J'imagine que quand on cite, c'est un livre, on cite le titre, seulement vous êtes seulement malade. Maintenant, regardez, Samuel dit à soeur, je n'aime pas quand il dit ces choses et que les gens ne suivent pas. Vous y êtes maintenant? Chapitre 15. Alors, 1 Samuel, chapitre 15, tout le monde dit, à partir du verset 1. Chaque fois, mon cher, quand il donne le chapitre, il ne dit pas ça, parce que le chapitre, c'est le premier. Le verset, c'est le premier. Alors, maintenant, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Soulignez d'abord ça. Vous avez le groupe de mots là. Écoute donc ce que... Ah, c'est pas terrible ça. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ça veut dire... Le prophète se tient au devant de lui. Il dit, écoute donc ce que dit l'Éternel. C'est-à-dire, ce qui va sortir, ça n'a rien à voir avec cette chair qui est au devant de lui. Donc, ça sort du trône. C'est passé par ce canal là. Et c'est venu à lui. Maintenant, voici Samuel qui est couché ici là. Maintenant, on dit 1 Samuel. Il est couché dans la Bible. Donc, tu lis. C'est Dieu que tu lis. C'est pas lui. Parce qu'il a dit, il a quitté la parole de Dieu subsiste. Vous voyez cela? Il dit, écoute donc ce que dit l'Éternel. Puis, vous remarquez très bien, on va maintenant. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je. Le Jésus, c'est qui? Donc, ce n'est plus Samuel. Ce n'est plus Samuel. Le je là est mis pour pour l'Éternel. Je me souviens. Donc ça veut dire que, comme Samuel a dit, écoute, ainsi parle l'Éternel. Elle dit, quand il dit je me souviens, ça veut dire de couler du tronc. Donc Dieu vient de lui donner les instructions. Il doit écouter cela. Maintenant, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va! Vous avez une première instruction? Va! Maintenant, frappe Amalek et dévoué, pas interdit, tout! Soulignez. Soulignez tout. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir homme, vous avez vu? Et femme, enfant et nourrisson, bœuf et brebis, chameau et âne. Voilà l'instruction de Dieu. 4 maintenant. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 de Juda. Hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Là, première phase, il est allé. N'est-ce pas, frère? Je veux que vous commencez à regarder. Je veux chaque fois garder l'instruction du verset 3. Va! Là, voici, il est allé. Donc, il a, semble-t-il, obéi au premier. N'est-ce pas? Maintenant, va, il ne va pas faire n'importe quoi. Il va faire ce que Dieu lui a dit. Parce que écoute ce que dit l'Éternel. Ça veut dire écoute et obtempère. Ça veut dire écoute et obtempère. Ça veut dire agis promptement. Ce que Dieu te dit. C'est ce que écoute. C'est pas terrible. Maintenant, regardez. Il dit au Kenyan. Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek, depuis Havila jusqu'à Shéhour, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Vous voyez, on dit premièrement qu'il prit vivant Agag, le roi d'Amalek. Alors que Dieu a dit homme et femme. Amalek est un nom, oui ou non? Donc, première désobéissance. Vous avez vu ça? Maintenant, continuons. Verset 9. Mais, on a dit qu'il a passé tous les peuples au fil de l'épée. Mais, quand vous voyez ce merci, ça devient grave. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. C'est-à-dire un nom. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Soulignez ça. Nous sommes en train de voir, nous sommes dans la deuxième partie des jugements nous-mêmes. Ce passage-ci est assez bien pointu et bien situé pour que nous parlions de cela. Parce que voici un homme type qui a reçu la parole de Dieu comme nous avons reçu la parole de Dieu et qui est censé agir. Et on va voir maintenant quand il faut rendre compte s'il se juge à la hauteur de la parole qui lui a été annoncée. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Maintenant, il ne voulut pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, on dit que il y avait un bœuf qui faisait comme ça, il a dit comme ça, c'est la mort, comme la mort t'es invité, depuis on va t'aider à mourir. Ceux qui sont robustes. Et maintenant, souvenez-vous que ces bœufs qui retiennent sans tuer, ils ne vont pas manger. Ce n'est pas pour eux. C'est un point aussi important que nous allons développer. Ils n'ont pas pris ces meilleures choses-là pour eux. Maintenant, frère Constant, prends ce grand bœuf, c'est comme depuis là, tu as dit que tu manquais de protéines. Non. Il prend cela pour... Disons de toute façon... Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Je veux que vous souveniez ce groupe de mots. Vous mettez deux. Il y a, regardez bien. Car il se détourne de moi. En tout cas, vous mettez un. Vous mettez un petit un au-dessus de là, vous avez entouré. Et deuxièmement, car il se détourne de moi, ça c'est un. Et il n'observe point mes paroles, n'observe point mes paroles. Deux, ça fait deux. Donc, Car il se détourne de moi, vous entourez. Car il se détourne de moi, ça c'est petit 1. Et il n'observe point mes paroles, ça c'est petit 2. D'accord? Maintenant, regardez-moi. Saül a agi dans le champ de guerre, n'est-ce pas? Dieu lui a adressé la parole. Le peuple, Dieu a adressé la parole à quelqu'un. Il s'est adressé à qui? Il s'est adressé à qui? Samuel. Peut-être que le frère qui est le SS. Je crois, ok, on va commencer. Il parle en termes de roi. Il parle au roi et au prophète. Le prophète, c'est Samuel. Le roi, c'est Saül. D'accord? C'est le roi qui a l'ordre d'aller agir. C'est le prophète qui entend la parole. Je pose la question. Celui qui est censé aller agir, est-ce que Dieu lui a adressé la parole? Après ça, il a adressé à qui? La question c'est, pendant qu'il en est parlé au prophète, est-ce que celui-là est au courant? Non. De son côté, il sait qu'il a fait ce qu'il faut faire. Donc, si on dit, on doit entrer maintenant pour le salut, il va dire que, ah, je suis sauvé. Ah, je suis serviteur de Dieu, pas vrai? Tourne-toi, regarde quelqu'un, pointe quelqu'un. Dis, le standard, c'est pas toi. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc Dieu nous présente le tableau ici. Celui-ci était de ce côté-ci et il était de ce côté. Dieu donnait l'ascension, comment il apprécie ce qui se passe là-bas. Mais celui qui est de ce côté, celui qui faisait l'acte, il s'appréciait à son niveau, à son standard. Alors que selon le standard de Dieu, il est disqualifié. Alors que selon le standard de Dieu, il est disqualifié. Continuons. Verset 11. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Maintenant, si on s'arrête encore sur ce passage, puisque je dis, vous notez 1 et 2. Il dit, il se détourne de moi. Je pose la question. Saül est-il allé en guerre? Oui. A-t-il tué certaines personnes? Oui. Vous avez vu quelque part, là, il s'est arrêté, il dit que nous, Israël, Dieu aime trop envoyer les gens en guerre. On est tranquille, il ne demande qu'on ne pas attaquer les gens. Les gens là nous ont fait. Wow. Ils ont dit ça. Non. Vous avez vu quelque part, ils ont dit que non, c'est très terminé. Non, c'est la dernière fois que nous combattons pour Dieu. Non. Ils ont ouvert la bouche pour dire quelque chose. Non. Mais Dieu, lui, il a donné l'ascension qu'il se détourne. Donc, tu peux être détourné de Dieu tout en priant. Tu peux te détourner de Dieu tout en mettant la Bible au sol comme ça. Oh Dieu, tu es Dieu d'éternité en éternité. Il dit oui, c'est écrit dans les psaumes. Ne riez pas, c'est sérieux ce que nous avons fait. C'est pour dire qu'il faut qu'on change de mentalité pour entrer dans l'intimité du Père et voir nos vies comme lui y voit. Vous voyez, regardez que Dieu dit qu'il se détourne de moi. Or, Saül n'a dit nulle part qu'à partir d'aujourd'hui, il ne sait plus Dieu. La preuve en est que la suite, il va même dire, enfin, pendant qu'on y est, quand la célébration va finir, quand tu es, il sera dans le haut lieu pour adorer. Nous sommes d'accord? Enfin, lisons la suite, on va y revenir là. Verset 11. Je me repens d'avoir établi seul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Sa mère fut irritée et il pria à l'Éternel toute l'année. Donc quelqu'un qui parle de l'Éternel dit, oh Seigneur, Seigneur, pas ça. Il dit, lui, j'ai coupé. Mais lui, celui-là qui est là-bas, tu viens parler, la personne qui est intéressée pour lui, quand il vient dire que voici la parole de Dieu, tu ne manges pas droitement, tu te déranges. Il y a quoi dans la parole là? Tu penses que Dieu va comprendre que, comme ça que, vous ferez mieux d'écouter la voix de Dieu. Sa voix, écoutez sa voix, va vous mettre à votre place. Souvenez-vous quand Satan a dit effectivement, car il donnera des ordres à les anges à ton sujet. Il n'avait pas tort. Il avait cité c'est droitement. Si effectivement le Seigneur faisait comme ça dans le vide, l'ange devait le porter, nous a déposé exactement comme il a dit. Mais il n'est pas là pour obéir à la voix de Satan. Il n'est pas là. C'est écrit effectivement pour lui. Jésus n'est pas là pour obéir aux voix de Satan. Donc ce n'est pas à Satan de tester la parole de Dieu, c'est à ses fils. C'est le Fils de Dieu qui doit éprouver la parole de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, lorsque Saül va rester de son côté, il va dire que, ah, Aminadab, oui, oui, oui, majesté, on a tué tout le monde. L'Éternel était avec nous, hein. Agathe, il va nous servir de pâture. Tu disais souvent que tu étais le roi. Toi. Il va taper le roi là, taper le roi, mais là, il a tort parce qu'il fallait le tuer. Vous comprenez, frère? Avançons toujours. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Gilgal roulé par-dessus. Le prophète est roulé. Il croit que c'était roulé. Maintenant, regardez là, on va le retrouver. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Amen. Regardez-moi encore. Est-ce qu'il sait les sanctions qu'il y a au-dessus de sa tête? Non. Est-ce que dans son cœur, il croit qu'il s'est détourné de Dieu? Non. Donc s'il y a quelqu'un parmi le peuple qui croit, que l'armée de l'Éternel, c'est qui? C'est lui. C'est lui. La preuve, par réflexe, il a dit sois béni. Il n'est pas dit sois béni de balles. C'est l'Éternel. Donc celui qui a dit écoute les paroles de l'Éternel, lui là, c'est lui. Il bénit les gens en son nom. Regardons la réponse des prophètes. Regardez, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Entouré, ça vous mettez petit A. Ok, on revient maintenant sur notre sujet. Si Saül était allé en guerre, il finit, il rentre dans le palais. Il rentre dans son palais. Il s'assoit tranquillement. Un prédicateur vient aller prêcher. Il dit que examinez-vous vous-même. Vous pensez que Saül pouvait faire l'examen jusqu'à se trouver qu'il a tort devant Dieu? Parce que voici son examen. Quand il fait son examen, voilà où il se retrouve. Il se retrouve qu'il a observé. Hein? Il dit que j'ai observé la parole de l'Éternel. Je pose la question. On lui a d'abord posé une question. Non. Donc son esprit montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal que tu fasses quelque chose. Hey, sois béni l'Éternel. Tu observes toute la parole de l'Éternel. C'est l'accusation comme ça contre sa propre pensée. Souvenez-vous dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même, virgule, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. À moins que vous ne soyez. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ soit en vous, à moins que vous ne soyez réprouvé. Si vous n'êtes pas dans cette condition-là, que Jésus-Christ est en vous, c'est que vous ne lui appartenez pas. C'est ce qu'il a de lui dire. Donc, testez pour savoir si vous êtes chrétien. Je dis cela clairement. Testez que vous êtes sauvé. Testez que vous êtes vraiment né de nouveau. Il ne s'agit pas de connaître la Bible, il s'agit de naître de nouveau. Testez. Ça se trouve à l'intérieur. Est-ce que tu obéis à Dieu simplement? Est-ce que ce que tu fais, la vie chrétienne, vient naturellement? Si tu forces seulement, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Le canal ne force pas pour nager. C'est la poule qui est là-bas qui va forcer pour nager. Ça montre qu'il y a quelque chose. Il lui manque les palmes. Les propriétaires ne lui sont lui pas dedans. Il faut qu'il se batte pour essayer de voir si un nylon peut fermer sur ses pieds là pour que ça puisse l'aider à avancer. Mais le canard, il a déjà plutôt quelque chose dans l'eau. C'est une autre chose qui la préoccupe. Dans l'eau, queen. Il a délibéré le petit poisson. Le pied fait automatiquement là, comme ça. Vous voyez cela? Mais la poule, elle va se battre pour attraper même les débris de bois avec ça pour ne pas se noyer. Ça, c'est. La personne qui s'appelle chrétien, mais qui ne l'est pas, mais qui se bat dans le milieu chrétien. Vous suivez ça, frère? Amen. Alors, il voit Samuel, il dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Je recommence encore. Il prend son jugement. Il se juge soi-même selon le standard de qui? Selon son standard, pas vrai? Parce que selon son standard, il a observé la parole de l'Éternel. Mais nous avons vu que Dieu a déjà donné son jugement. Donc, comme Dieu dit, examinez-vous vous-même, c'est parce qu'il y a un autre examen. Jugez-vous vous-même, parce qu'il y a un autre jugement. Maintenant, quand nous sommes vivants et qu'ils ont fait cette erreur, c'est pour cela que Dieu nous envoie, pour que nous disions que faites attention, ne pas faire ces erreurs d'erreur-là, parce que ça a été écrit pour notre instruction. Pour que quand tu veux faire le jugement de toi-même, que tu sois le plus rigoureux possible. Que si tu es coupable, tu dis, je suis coupable. Et puis tu peux pleurer devant le Seigneur, que Père, je suis coupable au plus haut point de telle enseigne que je suis digne d'aller en enfer. Mais je viens pour plaider auprès de toi. La miséricorde. Amen. Je dis, ah. L'autre jour, quand il regardait le frère là-même, il est méprisé. Est-ce que c'est même le mépris? C'est parce que mon visage a été froissé. Vous voyez? Le mépris est là. Tu sais, quelque chose te dit que c'est le mépris. Ça dit, tu as mal regardé ton frère. Mais tu dis, sinon, c'est parce que j'étais d'abord. Je ne me suis pas lavé de mon bon pied. Il y a de la catégorie des pieds qu'on lave, on se lève du lit d'un certain pied. Tu dis que non, je ne me suis pas lavé de bonne humeur. C'est quoi cette histoire de bonne humeur? Que c'est pour ça que j'ai regardé mon pied, mon frère mal. Donc, j'essaie de justifier le fait que j'ai mal répondu à mon frère. Au lieu de considérer ça comme péché, parce que de toute façon, je me suis mal comporté, ça l'a blessé. Donc, il suffit de dire, frère, je te demande pardon parce que j'étais mal répondu. J'étais mal reçu. Ouais, et ça, c'est ordonné. Mais la personne commence à justifier. Je vous l'ai dit, quand nous regardons par notre propre standard, nous nous condamnons pour le péché, ça va être retenu contre nous. Donc, si on essaie de masquer, on dit, non, est-ce que je l'ai même blessé hein? Regardez bien. En tout cas, c'est même lui qui a commencé. Qui lui dit d'abord de venir chez quelqu'un à 5h? 5h, il sait même à quelle heure il dormit. Ah, il dérange. Qui dérange? C'est retenu dans le livre. Parce que la Bible déclare, les livres seront ouverts derrière les cieux. Tu ne peux pas fuir. Et la caméra sera mise là-bas. à ces jours-là, il n'y a pas de possibilité de rentrer sur la terre et dire, mon frère, l'affaire c'est là, réglons-nous parce que devant c'est grave. Maintenant, nous sommes ici pour présenter que devant c'est grave. Vous voyez, la Bible déclare, le Seigneur Jésus qui dit, accorde-toi promptement lorsque vous allez devant le juge avec ton frère. Parce que si là, vous allez devant le juge, donne sa sentence, quand il donne la sentence, il n'a pas de sentiment parce qu'il ne vous connaît pas, il ne vous gère pas. Il donne sa sentence en vertu de la loi qui est écrite. Donc, si vous êtes, c'est pour ça que vous voyez quand vous avez des problèmes, vous allez devant les gens, on dit, arrangez-vous d'abord à la mais entendez-vous. Parce que ça arrive devant le juge donne d'après la loi. Alléluia. Donc, faisons attention. Pointe encore quelqu'un. Dis, juge-toi toi-même. Examine-toi toi-même. En profondeur. Tes pensées. Tes regards. Tes sujets de méditation. Les plaisirs de ton âme. Les désirs de ton cœur. Tu ferais mieux de les examiner. De les juger. Plus encore. Tu dois te juger. Quand tu pries, il n'y a pas de réponse. Ton frère prie. Il y a des réponses. Et il témoigne à tes oreilles. La façon dont tu le regardes. La façon dont tu penses dedans. Juge-toi toi-même. On va monter. On va doucement, d'accord, frère? Donc Saül voit le prophète Samuel venir vers lui. Il dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé toutes les paroles de Dieu. C'est quand même terrible cela. Donc, selon son standard, il a observé. Mais Dieu merci, Dieu nous a montré effectivement qu'il y a un autre jugement quelque part. Ce jugement quelque part montre qu'il n'a pas connu. Donc il est un homme. Il ne connaît pas qu'il y a un autre jugement quelque part. Mais maintenant, nous pouvons apprécier les deux choses. Pour te donner un exemple, tu peux commettre quelque chose ici, tu dis que tu as raison. Et que tout le monde, est-ce que vous avez vu aucun membre du peuple est venu dire quoi que ce soit? Parce que pour tout le monde, sur le standard humain, c'est normal. Il a été quand même clément. Non, le roi Saül est bon. Il a laissé le roi Agag pour lui montrer qu'il est quelque chose. Hein? Mais Dieu avait dit que fait passer au fil de l'épée homme et femme. C'était avec S. Remarquez bien qu'en haut, là-bas, au verset 3, c'est avec S. Vous avez vu ça, frère? On avance. Amen. Maintenant, regardez. Samuel dit, qu'est-ce donc que ces bêlements des brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements des bœufs que j'entends? Vous voyez? Il se tient ici. Il a de cause avec lui. Que j'ai observé. Quand le prophète parle comme ça, il a le voir en vision. Il peut lui dire clairement que tu as laissé les brebis. Tu as laissé les brebis. Il dit que qu'est-ce dans ce bêlement? Alors qu'en présentant, par exemple, il entend. Mais. Il allait à Gilgal. Il se retrouvait là-bas. Il dit mais, c'est quoi? Donc quand le prophète pose des questions, il pose la question pour rien. C'est exactement comme Dieu pose des questions. Adam, où es-tu? Il sait où il se trouve. Il se trouve. Il dit qu'est-ce donc ce bêlement? Pourquoi le prophète? Au lieu de dire que, comment était la mission? Combien de hommes sont morts? Il s'intéresse plutôt au bêlement. Il dit, mais le bêlement là, c'est quoi? Il dit juste, le bêlement, oui. Mais le prophète ne dit même pas que je me suis blessé, je me suis rattaché, je me suis blessé. Regardez, regardez ce que le prophète dit. Saül répondit, ils ont amené des chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à Baal. Allez, à qui frère? Allez, donc, le gars va mourir comme ça, n'ayant pas mangé les brebis. Ils ont pris les meilleurs pour venir sacrifier à qui? Allez, je pose la question. Dieu avait besoin de moutons. Si Dieu voulait les tuer là-bas manger, il ne peut pas envoyer le feu là-bas, ça brûle. Amen. Dieu lui a demandé de garder le mouton. Dans le passage du verset 3 là-bas, il lui avait demandé de garde-moi le plus grand morceau. Non. Dieu a fait un frère. Non. Il dit qu'il a gardé ça pour l'Éternel. Donc il a aidé Dieu dans sa mission. Donc Dieu a fait l'erreur. Peut-être qu'il a donné la mission, c'était dans la nuit. Il n'a pas vu qu'il y avait des gros moutons là-bas. Pointe quelqu'un à le nez. Dieu ne corrige pas la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ça. C'est à toi d'obéir à ses paroles. Il n'y a point ta volonté dans ses voix. Point ta volonté dans sa parole. Mais tu dois obéir tout simplement. Sinon, il va te rejeter. Voilà. C'est ce qu'il écrit ici. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le peuple. Oh, quand Samuel est venu, Samuel, c'est à lui qu'on a adressé la parole. C'est lui qui a passé le troupe en revue. Le peuple a reçu. Le peuple ne connaissait pas ce qui se passe. La communication entre Dieu et Samuel. Samuel est venu rendre compte que Dieu a dit, va faire tes choses. C'est toi le chef de peuple. C'est à lui de transmettre le message du peuple. Il dit que c'est le peuple qui avait la choisi. Vous remarquez maintenant que ici, la Bible nous indique directement que ce que vous appelez démocratie sur la terre est contre Dieu. Là. Le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Donc là, arrivé, le peuple a décidé que, wow, on a dit, voix du peuple, voix de Dieu. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça dans la Bible. Que voix du peuple, voix de Dieu. Quand le peuple a décidé, vous, que c'est la démocratie. Voilà ça, voilà la démocratie. Voilà la démocratie va défaire des choix de leurs rois. Lorsqu'on est arrivé là-bas, on dit que okay, la démocratie, que le parti au pouvoir, votons maintenant. On amène le bœuf là-bas. Alors que Dieu avait déjà décidé. On avance, frère. Courage, d'accord. Courage, ça va aller. Courage. Pendant que tu rêves un peu, tu dors comme ça, tu as rêvé un peu comme tu t'es jugé. On avance. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. C'est la dernière partie, n'est-ce pas? Non, mais regardez bien ce qu'il dit. Il dit que, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Pas son Dieu, lui, hein. Le Dieu de Samuel qu'il avait envoyé. Tourne-toi, regarde quelqu'un. Dis qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'il t'a dit, fais. Ce qu'il ne t'a pas dit, ne l'aide pas. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il va sauver. Je pose la question, c'est, est-ce que c'était possible que Dieu reste du ciel? Il envoie quelque chose, pff, il fait disparaître ce peuple-là. Amen. C'est lui qui a décidé de passer par Saül pour aller le faire. N'est-ce pas, frère? Amen. Continuons seulement. Samuel dit à Saül, arrête! Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle! Écoutez, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va! Vous vous souvenez encore de l'heure de mission? Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Souligné. Vous avez vu dans cette mission suicide en Israël, vous avez vu, on a déploré une vie humaine en Israël. Est-ce que quelqu'un, on a vu une plainte là-bas que l'Israël a perdu. On a vu que Israël a perdu ses armées. Dis à ton voisin que quand quelque chose semble réussir, ça ne veut pas dire que tu es avec Dieu. Donc, là, ils sont partis, ils sont rentrés. Ils peuvent rentrer et dire, oh Seigneur, tu as permis que je parte, tu as permis que je revienne. Le fait que tu voyages à l'aller et au retour ne veut pas dire que tu es en conformité avec Dieu. Jusque-là, ça veut dire que la seule possibilité de savoir si tu es en conformité avec Dieu, c'est calquer ce que tu fais avec sa parole. Parce que Saül est parti avec le peuple, ils sont rentrés, mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ils ont jugé eux-mêmes, ils ont trouvé qu'ils ont fait, mais la parole de Dieu dit, ils n'ont pas fait parce que c'est pas ce que la parole de Dieu disait. Tout ce que j'en ai voulu faire, c'est que pour ne pas détourner notre attention du standard. Donc, je fais tout pour focaliser notre attention que le standard de notre jugement, c'est la parole de Dieu. Chaque domaine. Donc, dès que j'ai fini de déposer la Bible, je vais commencer à parler. D'accord? Maintenant, regardez. Et tu as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Franchement. Là, ça, moi-même, ça me pose problème. Qu'est-ce que Saül a fait de mal? C'est pour ça que nous sommes venus ici. Qu'en réalité, il y a des gens qui, en se jugeant, ils minimisent les choses. Vous voyez, c'est ça qui nous amène ici. Moi, je pose la question, en réalité, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a tué la majorité. Il a pris quelque chose pas pour garder pour lui. Donc, il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. C'est pour cela que ça n'a même pas donné la repentance. Parce qu'il ne se sentait pas coupable. Il s'est jugé au standard humain. Et quand tu es jugé au standard humain, tu ne dois pas te sentir coupable. Mais quand je te confronte au miroir solennel, le miroir du Seigneur, la loi de la liberté, la loi royale, quand tu es confronté par ce miroir-là, la Bible déclare que tu es jugé. Toi-même, tes pensées s'accusent mutuellement comme pour les païens là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors là, ça te pousse donc à la repentance. Vous vous souvenez quand le roi qui va le remplacer, David, va venir, quand il va coucher avec quand il va tuer Uri et coucher avec sa femme, vous allez remarquer effectivement que quand on va venir lui dire les paraboles, il va dire, wow, qu'est-ce que cet homme-là? Il n'en est pas remboursé même un brebis pour quatre. Il dit, cet homme, c'est toi. Dieu t'avait fait ceci, fait ceci, et tu avais eu des femmes, tu avais voulu même encore, je t'aurais mis. Premier réflexe, qu'est-ce qu'il a fait, frère? C'est prosterné. Le jugement est venu. Il a compris que la parole le culpabilise. Or, maintenant, regardez très bien que tant que la parole ne l'a pas confronté, il est au palais, il a les habits royaux sur lui. On l'appelle roi David, sa majesté. Est-ce que jusque-là, David savait qu'il a fait quelque chose de mal? Il faut qu'il soit confronté à la parole. Quand il juge maintenant d'après la parole, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Vous regardez le psaume 51, quand il se met la parole, oh Seigneur, je suis péché. Il a fait comment? Il a de se confronter, il se confronte maintenant. Il se juge clairement tel qu'il est. Il est coupable. Je suis né tout entier dans le péché. Donc, Seigneur, ne me voit pas comme je suis dans le rabbi royal. Quand il porte le truc, les gens m'applaudissent comme ça, mais à l'intérieur, je souffre. Mon cœur est endurci par le péché. Lave-moi avec des eaux qu'il soit pur. Vous voyez ce que David fait, n'est-ce pas, frère? Donc, il va avec sa réelle personnalité devant le Seigneur. Il ne cache pas ce qu'il a fait. Mais il y a des garçons, quand il va toucher une fille, on se dit, c'est quoi? Il dit non, c'est parce qu'il voulait enlever l'insecte sur lui. Et il est comme ça pour caresser. Vous riez, hein? Que c'est quoi? Yeah, laisse-moi arranger ton truc. Tourne-toi, dis à ton voisin, dis-lui qu'elle même elle arrange. Ou tu dis à une soeur que soeur, arrange ta soeur. Par exemple, celle-là, dis à ta soeur, dis, tire son truc là pour que ça couvre bien ses seins. Dis, tire. Donc, pas que le frère, par exemple, le frère Constant dit que non, attends, il fait. Après, il essaie, il mate un peu. Ça ne doit pas se passer comme ça. D'accord? C'est les séquences des péchés. Quand tu fais ça, tu t'avances, tu ne sais pas que tu as accumulé le péché. Mais le problème, c'est que quand tu as compris le péché, tu dis, Seigneur, pardonne mes péchés, je ne sais pas que il y a un péché qui est retenu contre toi. Amen. Vous comprenez, frère? Ah, continuons ici. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Ça, nous sommes verset 20 maintenant, n'est-ce pas? Oui. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Vous voyez quelqu'un, n'est-ce pas? Il dit qu'il a bien écouté. C'est quand même terrible. Il devait savoir qui est devant lui pour lui parler. C'est terrible avec les gens qui regardent. Il devait savoir qui lui a parlé. Celui-ci, c'est celui que le premier jour, quand il cherchait les années de son père, il a dit à ses gens, à ses cuisiniers, que donne l'épaule que je t'ai demandé hier de garder parce qu'il y a quelqu'un qui venait aujourd'hui. Cet homme-ci doit être un autre homme. Dans le, il mange, il fait lui manger. Le lendemain, il dort, il se lève, il dit à son serviteur, avance. Il avance, je vais te dire quelque chose. Tout ce qui se passe dans son cœur. Je vais te dire tout ce qui se passe dans son cœur. Tu es venu chercher la brebis de ton père, ne t'inquiète pas. Quand tu vas m'y quitter maintenant, tu vas retrouver à tel endroit, tu vas vous donner deux hommes. Ils vont te donner tel nom. Après là-bas, tu quitteras, tu iras à tel endroit. Après là-bas, tu quitteras, tu vas voir trois personnes. Après, tu vas quitter, tu vas regarder, tu vas voir un troupe de prophètes qui rentre de haut lieu. L'esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu vas commencer à prophétiser. À cet instant, quand toutes ces choses auront leur accomplissement, ce que tu as fait, fais le cas l'Éternel avec toi. Il ne se tourne pas. La Bible déclare ce même jour, toutes ces choses ont eu l'accomplissement. Donc, il devait savoir qui est devant lui. Et pourquoi as-tu désobéi à Dieu? Hey, moi? Qui? Hey! Abinadab, j'ai désobéi, oui. On n'a pas tué les gens là-bas. Tu te déranges. Prends quelqu'un, dit que ce n'est pas ton jugement. Juge-toi selon le standard de la parole. Donc, ce qu'il a de faire là, c'est quelqu'un qui lit la Bible. On dit, ne vous mentez point les uns les autres, ayant dépouillé de vieux hommes et de ses œuvres. Frère Christ Victoire, bonsoir. Pardon, j'ai fait plus de 5 000 là-bas. Il a 5 000 francs sur lui. Il dit, non, je n'ai pas l'argent. Quand il se tourne pour ce Saint-Esprit, il dit, tu as l'argent. Il refuse. Il est obligé de lui donner. Comment il peut lui donner le même chiffre qu'il y a dans ma poche? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là, il vient de dire quoi? C'est pas le problème qu'il a refusé. Le problème, c'est qu'il a dit qu'il n'a pas l'argent. Cette phrase-là, c'est un mensonge. Mais il va essayer de tuer sa conscience pour dire que ce n'est pas le mensonge. Pourtant, la Bible, donc, il lit la Bible, il dit que ne vous mentez point les uns les autres. Vous étant dépouillé du vieil homme de ses œuvres. Dans votre façon de faire là avant, vous ne devez pas faire ça entre vous les chrétiens. Dites-vous la vérité les uns les autres. Donc maintenant, s'il vient encore, il dit, frère, tu dois pardonner, moi, c'est oh, j'ai un problème. Il dit, oh, mon frère. J'ai vraiment 5 000 là sur moi, mais je suis désolé, je ne peux pas te donner ceci, ça va me servir. Ah, je suis désolé, il part. Il n'a pas menti, il a dit la vérité, mais il ne m'a pas donné. Il n'y a pas de problème. Mais le premier cas, c'est qu'il a menti. Voici Samuel qui se trouve ici avec Saül. Il dit que tu n'as pas obéi. Et qui? Moi, j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai obéi. Mais ce n'est pas la sanction de Dieu. Donc notre standard à nous, si nous voulons nous plaire à nous-mêmes, nous allons corriger nos péchés à notre standard et ne pas les condamner. Où est sa frère? Maintenant, écoutez. Verset 20 encore, Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Là, il a accusé Samuel comme Samuel. Ça veut dire que il a dit que le jugement de Samuel n'est pas juste et pas concernant le jugement de Dieu. C'est Samuel, qui a, Samuel est resté seul, c'est Dieu qui est venu lui parler. Parce qu'il n'était même pas en guerre. C'est Dieu qui est venu dire à Samuel que pourquoi David, comment il s'appelle, Saül n'obéit pas à ma voix. Il se détourne de moi, n'est-ce pas? Maintenant, continuons. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. Vous avez vu ça, frère? Donc, il a suivi le chemin sans faire ce que Dieu disait. Il est vraiment, on a dit Amalécite. Il allait à Amalécite, chez les Amalèques. Il n'est pas allé à Avna. Non, non, non, non, non. C'est là-bas qu'il allait. Donc, il a raison sur ces plans-là. Mais ce n'est pas ce que Dieu a nous dit. Dis à ton voisin, pour te juger, il faut comprendre correctement. C'est que la Bible appelle par péché. Afin de savoir si oui ou non tu vis dans le péché ou non. Regardez, monsieur, regardez ce qu'il dit. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce que devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Vous avez vu ça pas, n'est-ce pas? Sa démonstration. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Soulignez ça. Vous y êtes? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices et les holocaustes comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Cette phrase-ci vient de nous dire clairement que celui qui vit dans l'obéissance à la voix de Dieu, Dieu aura cet homme comme l'homme selon son plaisir. Donc quand tu vois quelque chose dans la Bible, tu vois c'est écrit, fais comme c'est dit. Dieu dit, voilà mon fils. Et justement, les gens seront là à côté de toi. Non, non, non. Tu veux dire que si on dit tu dis oui. Si on dit que non, mais tu es bonnet, tu dis oui, si même bonnet, cloue même les bonnes. Vous comprenez, le frère? Dis à ton voisin, restez dans les bonnes. Quand on met les bonnes sur votre terrain, vous débordez votre terrain. Non. Dis à ton voisin, tu sors de tes terrains. De ton terrain. Tu pars chercher des problèmes. Chez le voisin. Et le voisin du terrain de la Bible. Le voisin du terrain de la Bible. C'est Satan. C'est Satan. Regardez comment la Bible est bonne. Quand vous ouvrez comme ça, pam, vous avez une bonne là-bas. Une bonne là-bas. Une bonne là-bas. Une bonne là-bas. Donc tu restes là-dedans. N'est-ce pas, frère? Oui. Voilà. La Bible déclare dans Proverbe que ne déplace pas les bornes anciens. Donc ne fais pas comme cela. Tu pars où là? Tu cherches quoi? Tu sais ce qui t'arrive là-bas dedans. Donc il faut rester. C'est pour ça qu'on me dit sur la radio que comment tu peux être borné? Je dis, mais si borné, il faut que tu doubles le borne pour bien voir là où ça limite. Il faut bien doubler le borne parce que quand tu es à distance, que tu saches que je ne suis pas de traverser le territoire. La Bible déclare qu'on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Ça, le langage clair, ça veut dire que c'est rester borné dans les Écritures. Il dit que l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit, voici, continuons. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Soulignez. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Soulignez. Donc, tout, écoutez très attentivement. C'est que le prophète nous le dit, c'est ceci. Que tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, le prophète Paul lui l'a dit la même chose. Que tu peux donner ta vie même en sacrifice. Faire n'importe quoi. Donner n'importe quoi. Mais si tu n'as pas l'amour, tu as un cymbale qui retentit. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Parce qu'en réalité, si j'ai l'amour, je ne te mentirai pas. Parce que si je te mens, c'est la preuve que je ne t'aime pas. Parce que je suis en train de te supplier. Vous voyez cela? Si j'ai l'amour pour Dieu, j'obéirai à ses paroles. Donc en réalité, ça résonne en amour. Je ne peux pas dire, oh Seigneur Jésus, je t'aime. Mais la parole dit, tu ne dois point commettre adultère. Je vois une autre femme, je le désire. Tu n'aimes pas le Seigneur. Il te faut la délivrance. Vous voyez ça, frère? Tu ne peux pas mentir. Et puis tu dis, oh Seigneur, je t'aime. Tu mens. C'est pour cela que quand il regarde, un de ces jours, on va avoir le train. C'est ça qu'il dit, vous trouvez les moments où il y a les congés ou bien les ferries. Dites-moi pourquoi on travaille sur aime ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces deux-là dépend toute la loi. Toutes les paroles dépendent de là. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui, j'aime le Seigneur. Tu aimes quoi? Vous voyez même le païen, il dit qu'il n'y a pas besoin de lire la Bible là. J'ai oublié mes deux commandements. Jésus a dit que tout le reste est là-bas. Il dit, donc, le deux là, tu obéis, il dit oui. Au bureau, dans ton bureau, quand on envoie l'argent, les caisses, les paiements des gens, quand le patron prend, il divise, il donne pour toi. Tu prends, il dit oui. Les personnes à qui c'est destiné, ils sont les personnes, oui. Quand tu le vois, tu peux lui dire que je t'aime. Si tu vas comprendre maintenant que vraiment tu n'aimes pas ton prochain. Parce que tu aimes ton prochain, tu ne peux pas prendre ce qui lui appartient sans son avis. Vous voyez cela? Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu soulignes ça. Tout ce que tu vois dans le monde, qu'on va développer dans la Bible, va poser des interrogations là-bas. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas sortir sa femme. Tu aimes ton prochain, tu ne peux pas désirer son terrain. Tu aimes ton prochain, tu ne dois pas le jalouser. Tu aimes ton prochain, tu ne dois pas le souhaiter du mal. Tu aimes ton prochain, tu ne dois pas le mépriser. Tu ne peux pas le mentir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, tout part de là. Alors, c'est ce que Samuel a dit ici. Que l'observance des commandements de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez? Il dit ici, il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observance de sa parole vaut mieux que le reste de l'Église. Il dit l'observance de ses paroles. Et le Seigneur Jésus va dire dans le livre de Jean au chapitre 14, si vous lisez le verset 20 à 23, il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, l'amour est lié à l'observation du commandement. Ici, il dit, et l'observance de ta parole vaut mieux que la graisse des élus. Donc, parle en langue, dis n'importe quoi, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, l'amour n'est pas en toi, l'amour du Seigneur n'est pas en toi, tu ne l'aimes pas. C'est sa sanction à lui. Vous suivez, frère? Pointe encore, quelqu'un dit, jugeons-nous nous-mêmes. Pas selon notre standard. Selon le standard de la parole. Maintenant, regardez le verset 23, où on s'arrête là-bas, il dit, car l'obéissance, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous avez vu ça, frère? Amen. Souvenez-vous, dans la première partie, nous avons donné Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. D'accord, on va quitter, on va aller là-bas. Et puis, on va revenir sur ces versets si vous commentez. Je ne commande pas encore le verset parce que comment maintenant vous risquerez de sortir. Donc, je lis ici, je garde d'abord, on va dans Matthieu, on lit, et puis je ferme, je reviens là-dessus. D'accord, frère? Amen. Il faut qu'on les mette en étroite collaboration. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Amen. On a Matthieu là. Rapidement. Chapitre 7 de Matthieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, ne soyez pas calme comme ça. Tout à l'heure, nous avons chanté un monde toujours, non? C'était glorieux. Comment vous restez calme subitement comme le cimetière? C'est tout simplement pour que nous transformons, nous allons de grandissant dans la foi. D'accord? Maintenant, regardons. Regardez. Il dit Matthieu chapitre 7, à partir du verset 3 maintenant. Regardez, souvenez-vous, gardez à l'esprit que nous avons lu quelque chose dans 1 Samuel chapitre 15, d'accord? Le verset 23, et j'ai dit ici que lorsque nous allons lire quelque chose dans Matthieu, nous allons y rentrer, d'accord? Ah, mon Dieu. Maintenant, regardez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est terrible, pas vrai, frère? Je recommence encore. C'est le Seigneur Jésus qui dit ici. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Prenons Saül. On le met devant Agab. Et qu'à l'issue de là, avant que sa mère ne vienne, il soit allé le converser. Agab n'est pas d'abord d'une tribu élue. Il n'est pas d'abord du peuple élu, il est du peuple païen. Est-ce que Agab et Saül peuvent s'asseoir côte à côte? Selon le rite des Juifs, c'est un païen. Il va faire. Quand il fait. C'est pour dire que celui-là sent, pas vrai? Il sent dans le nez de qui? Il sent comme ça dans le nez de qui? Saül. Saül, lui, c'est qu'il est propre, non? Quand Dieu aussi tend son nez sur Saül, c'est comment? Mais est-ce que Saül sait ça? Tout le temps, regarde quelqu'un. Dis quand tu te baisses pour regarder les fesses de quelqu'un, tes fesses sont exposées. Voilà. Donc, remarquez bien, il dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Puis il dit, voici ce qu'il va faire. Ou comment peux-tu dire, verset 4, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Dieu dit, si vous faites des choses, vous êtes quoi? Hypocrite. Maintenant, je peux maintenant revenir dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Il n'y a pas dit vous revenir. On a lu. Il a dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divine. Maintenant, levons-nous, tenons-nous sur les deux pieds avant qu'ils disent ici. C'est quoi la divination? Vous parlez dans votre ventre, mon frère. Vous avez peur maintenant de. Vous pensez que je veux dire? Hein? Je dis les choses qui vont arriver. Marabotisme, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc vous savez effectivement qu'il s'agit des superstitions, les marabouts, comme on voit là. Horoscope, tout ça. Donc, si toi, maintenant, tu vas rencontrer quelqu'un qui fait de la divination, il te dit qu'il sait Dieu, tu vas dire, hé, hey, toi, tu sais qui? Quel Dieu, n'est-ce pas? Dieu dit, si tu n'es pas en règle avec lui et que toi, tu désobéis sa parole, tu es exactement comme un divin là. Venez vous asseoir. Vous avez vu cela? Écoutez très lentement. Dieu dit, si tu lis la Bible, on dit, juge-toi toi-même. Tu juges selon ton standard. Tu lis la Bible, tu ne mets pas en pratique, donc tu désobéis au commandement de Dieu. Si tu désobéis à la voix de Dieu, il dit, tu es aussi coupable. Donc, ça veut dire que si on te prononce, si on, le jour où on va rejouer le marabout, si on dit, toi, tu étais marabout, tu fais l'enchantement. Coupable, toi, à ce même niveau, tu vois, on va te donner comme coupable. C'est-à-dire, en clair, quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu est un divin. Vous comprenez cela? Amen. C'est pas encore terminé. Il continue dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Il dit, la résistance et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc, on prêche que change. Si tu ne changes pas, tu es exactement comme une catholique qui se prosterne devant Marie. Combien sont ici qui disent que les catholiques dérangent? Ils sont dans l'idolâtrie. Mais la Bible déclare que toi, si on dit que change, on montre dans la Bible, tu dis que je ne change pas, que j'attends que Dieu me convainc. Si Samuel attendait que Dieu, le convainc, Dieu va le convaincre un jour, frère. La parole était devant lui, étant de lui, tu dis comme ça. Et on a dit que sur la terre, il y a des prédicateurs qui doivent dire qu'on change. N'est-ce pas? Et si, il dit, si on ne changeait pas, vous viendrez dans ce lieu-ci. Il dit non, la résistance. Quand on prêche, que tu désobéis, tu résistes. Quand tu résistes, c'est que tu es en train d'adorer Marie. Donc, adorer Marie ne veut pas seulement dire que Ave Maria, combien, c'est pas combien de fois vous récitez ça, Sainte Marie. Donc, tu peux ne pas dire Sainte Marie, mais le jour où on va condamner les gens qui disent Sainte Marie, tu es condamné à ce même titre-là. Dit la Bible. Vous comprenez ça, frère? La dernière fois, dans la première partie, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais comme je suis devenu grand, j'ai laissé ce qui était de l'enfant. On a vu ça la dernière fois dans 1 Corinthiens 13, 12. C'est pas ça, mes frères? Donc, en réalité, il y a un niveau de standard dont Dieu nous attend. Nous devons nous juger selon les Écritures. Nous devons vivre, nous délivrer, c'est tout ça. Selon les Écritures, de telle enseigne que les paroles ont été écrites pour notre instruction. 2 Timothée 3, verset 16. Ouvrons cela. 2 Timothée, le chapitre 3. Je suis obligé de prêcher ainsi pour réchapper à la destinée. Pour qu'on soit prêt pour le jour. D'accord, frère? Amen. Mais si vous voulez l'endroit, on dit que oh, votre bénédiction arrive, arrache, amen. Dites amen trois fois, ça vient. Allez-y, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'on forme une sainte postérité. D'accord? Qu'on enlève devant les enfants du Seigneur tout cela pour tous ceux qui ont leur héritage désolé. Il faut qu'on enlève ces choses, qu'on enlève tout obstacle devant son peuple. On doit enlever cela. Qu'est-ce que ça dit le verset 16, mon cher? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Vous voyez cela? Voilà le but de l'écriture. Utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu. Et on dit dans toute justice. Afin que l'homme de Dieu soit prompt à faire les bonnes œuvres. Si ce n'est pas comme ça, Remarquez bien. On n'a pas dit que les chrétiens sont hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Toute écriture est expirée de Dieu. Théonosis. Expirée. Repentez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Et théonosis, la respiration de Dieu. La respiration, pas l'inspiration. On écrit comme ça. Non. La respiration, le souffle. C'est théo. Donc, c'est, toute écriture est expirée. Expirée. Donc, théonosis, respiration de Dieu. Alors, Dieu nous donne l'écriture donc, afin qu'on puisse. Il y a, c'est là, je nous amène là-bas parce qu'il y a le mot corriger. Donc, on se corrige par les écritures. Les écritures sont censées nous recadrer. Vous comprenez ça, frère? Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est confronté dans ce livre de Matthieu, chapitre 22, sous le livre, chapitre 22 de Matthieu, avec les Sadducéens, lorsque les Sadducéens, à leur tour, ont posé la question du divorce, enfin, de la résurrection au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, l'écriture telle que c'est écrit, c'est une chose. La comprendre, c'est une autre chose. Mais ses disciples, dans le livre de Luc 24, il a soufflé sur eux. Non, ça c'est dans Jean chapitre 20. Mais là, on a vu le clair qu'il est ouvert, il les a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. D'accord? Donc nous allons prier au sorti de cet enseignement que Dieu ouvre notre entendement afin que nous comprenions dans les écritures ce qui concerne les points de jugement de notre propre être, que nous regardons comme Dieu nous regarde. D'accord? Parce que ce sont les paroles. Il dit si quelqu'un me rejette, il a derrière son juge la parole que j'ai annoncée. La parole est prêchée. Ça peut être prêché, tu es endurci. Si tu es endurci, ça se pose, ça va te culpabiliser le jour-là. Vous comprenez ça, frère? Donc, Dieu ouvre notre entendement afin que nous comprenions l'écriture qui peut nous condamner et comprendre l'écriture qui peut nous corriger. D'accord? Mais je pose la question avant d'avancer. Est-ce que vous êtes prêts à régler vos vies selon les écritures? Bon, les grossièretés alors, les grossièretés, on dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est écrit aucune parole mauvaise. Oui. D'où viennent les paroles mauvaises, ça sort d'où? Fermons les Bibles. Parlez au Seigneur. Parlez-lui. C'est entre vous-même maintenant. Parlez-lui. C'est le moment. Et cet examen dont on a parlé, ce n'est pas un examen, ce n'est pas quelque chose que tu as dit, Seigneur, pardonne. C'est pas, souvenez-vous quand il a dit examinez-vous vous-même. Puis il dit, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Dans 1 Corinthiens 11, verset 29 et à 32, que nous avons lu la dernière fois, il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Parce que nous allons entendre les ondées de la parole traversées au travers de nous. Nous allons voir que nous avons besoin de repentance. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Allez-y. Que Dieu vous bénisse.